Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Et un 9e art, sera abordé sous différentes facettes cette semaine, comme c'est le cas bien souvent, en fait. On y va avec des albums quand même assez bien différents. Et ce sera le cas, comme à l'habitude, de ce vendredi. Alors, entre autres sujets, en deuxième moitié, on portera un regard sur une BD jeunesse bien sympathique, bien colorée, qui vient d'arriver du côté des éditions Michel Quintin. C'est de Karine Paquet. Et Bac, ça s'appelle La fille pissenlit. Donc l'histoire d'une fée qui naît d'une fleur qui n'est pas censée donner naissance à une fée. Et au fil de l'album, on la verra essayer de prendre conscience d'elle-même et accepter qui elle est pour ce qu'elle est, elle, plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un pour plaire aux autres, si on peut dire. Donc on est un peu dans l'acceptation de soi. Peut-être que c'est à travers ce sujet-là qu'on va trouver un pont aussi avec le premier album dont on va traiter tout à l'heure. Il s'agit de « Comment je ne suis pas devenu moine » de Jean-Sébastien Bérubé. Bérubé qu'on connaît évidemment pour son travail sur la série Radisson. Mais en fait, j'ai l'impression, après « Comment je ne suis pas devenu moine », qu'on vous dira plus tôt, on connaît la série Radisson de par l'auteur de « Comment je ne suis pas devenu moine ». Une nouvelle facette du dessin, du travail, en fait, qu'on a pu découvrir dans cet album qui a été publié chez Futuropolis. Arrivé fin mars, si je ne m'abuse. Et donc, vous comprendrez qu'on est en gros rattrapage sur ce récit-là. Mea culpa, mea maxima culpa. J'aurais dû vous en parler avant. C'est un album, en fait, qui sera assurément dans mon top 5 ou 7 de l'année. J'ai pas encore déterminé les positions et le reste, mais c'est certain que c'est un gros coup de cœur pour moi. Véritablement, en fait, un récit bien maîtrisé, un parcours un peu à saveur initiatique, en fait, où l'auteur s'en va à la recherche de la foi bouddhiste au Népal et au Tibet. Il sera confronté à une réalité terrain sur laquelle il ne comptait pas avant de se rendre sur place. Et c'est un peu le récit, un récit de cette désillusion-là, mais en parallèle, le récit d'une construction personnelle également. Alors, un beau récit de voyage, et j'avais très envie, évidemment, vous le comprendrez, qu'on prenne quelques temps pour en parler ici à l'émission. Alors, donc, ce sera nos deux principales entrevues également en fin d'émission. Il y aura Michel Giguère qui viendra faire un tour pour jaser du fantastique en bande dessinée, comment se font un peu les adaptations, une espèce de petit panorama, dans le fond, des ponts entre les genres et surtout dans les adaptations des classiques du genre dans la sphère de la bande dessinée. Alors, c'est le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. Et on se lance avec, comme d'habitude, quelques actualités liées à la bande dessinée. D'abord, en fait, une triste nouvelle, en fait, pour une maison d'édition de Québec, Berber 1313. Peut-être avez-vous ça passé dans les derniers jours via, entre autres, Radio Canada. Alors, on avait vu, évidemment, dans la suite de scandales sur les agressions sexuelles et le reste qui a eu cours au Québec. Et entre autres, évidemment, on a vu Gilbert Rozon être parmi les premières figures à être mis de l'avant et à être accusé de divers éléments. Alors, ça a fait brasser beaucoup d'encre et il y a eu également dans les dommages collatéraux, justement, la maison d'édition Berber 1313. On avait parlé un peu en début de saison de cet album Victor, une BD juste pour rire qu'ils avaient lancé en grande pompe, dans le fond, pour un anniversaire, en fait, du festival Juste pour rire. Une bande dessinée qui mettait en vedette donc la mascotte du festival et également le créateur du festival, Gilbert Rozon. Alors, on devine bien que dans la suite des changements de ces scandales, le futur de la bande dessinée n'était pas particulièrement brillant et satisfaisant. Alors, évidemment, donc, à la suite de ces allégations d'inconduite sexuelle, la jeune maison d'édition, nous dit-on, a été entraînée malgré elle dans la tourmente. Eux relatent justement dans ce reportage que c'était juste avant le festival de Matane qu'ils avaient fait l'erreur de laisser Victor sur les présentoirs et qu'ils ont dû s'en justifier toute la journée et finalement ils ont choisi de complètement retirer la bande dessinée des festivals. Et donc, ce qui au départ avait été annoncé comme une très très belle aventure pour Berber 1313, finalement tourne plutôt au cauchemar, en fait. Je pense qu'on peut utiliser ce terme là évidemment, puisque l'éditeur a assumé tous les frais d'édition. Ils ont eu un retour de moult caisses qui ont été renvoyées aux distributeurs par les libraires qui n'ont pas envie, évidemment, d'offrir ce titre également. Alors, ben comme le dit l'éditeur, les éditeurs en fait, Damien Berger et Jean-Philippe Bergeron, ben on se retrouve avec un produit qu'on ne veut plus mettre de l'avant et que essentiellement dans le contexte actuel on ne peut plus mettre de l'avant. Alors on dit donc que la petite entreprise qui fonctionne avec un budget d'environ 15 000 $ par année se retrouve présentement avec une dette équivalente et donc un avenir ben plus qu'incertain, nous dit-on dans le reportage. Alors, ben, espérons évidemment qu'ils réussissent à s'en réchapper de tout ça. On gardera l'œil ouvert là-dessus. On vous tiendra au courant, évidemment, si il y a du nouveau ou si d'autres mesures sont mises de l'avant par l'équipe de Berber 13-13 pour pallier à la situation. Et autre nouvelle avant de passer en musique, une belle nouvelle cette fois-ci. Louis Parmi les spectres d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt, publié chez La Pastèque, a remporté le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise, un prix, je le rappelle, décerné par l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. L'ouvrage a ainsi séduit la majorité des quelques 94 membres de l'association, présentes tant en France qu'en Belgique ou au Québec. Alors pourquoi? On dit, et je cite, « L'ACBD tient à souligner l'extrême délicatesse avec laquelle le duo Britt et Arsenault raconte des histoires simples, touchantes et émouvantes sans jamais que cela ne soit larmoyant. » Alors, je rappelle que Louis Parmi les spectres met en scène un jeune garçon vivant au sein d'une famille déchirée par le divorce, la dépression et l'alcoolisme, entouré de son frère obsédé par la musique, sous de Saul, de sa mère qui a peur de tout, de son père qui boit et de son meilleur ami Boris. Louis cherche donc le courage d'aborder son premier béguin, la furtive Billy. Alors, le prix sera remis de façon officielle le 17 novembre prochain, 17h, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, en présence d'ailleurs des récipiendaires 2016 La Distinction, donc soit Jean-Paul Aide et Claude Paiement, qui avaient été récompensés pour La Femme aux cartes postales. Et je mentionne que l'album a été choisi à l'issue d'un vote des adhérents de la CBD parmi quelques 70 ouvrages de BD publiés par des auteurs québécois entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. La sélection finale, outre Louis Parmi les spectres, compte également S'enfuir, récit d'un otage de Guy Delisle et Comment je ne suis pas devenu moine de Jean-Sébastien Bérubé. Alors voilà pour ces quelques actualités. En musique cette semaine, c'est toujours saveur 8 bits, évidemment. On garde notre concept et on écoute un album qui s'appelle Telefrage de Tom Foolery and the Family Jeweler. On écoute un premier extrait. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On y partage plusieurs événements, actualités liées à la sphère de la bande dessinée québécoise, d'abord et avant tout, et également quelques autres éléments liés à l'international. On passe maintenant à notre première entrevue cette semaine, donc la bande dessinée Comment je ne suis pas devenu moine, bande dessinée qui est arrivée en mars dernier du côté de chez Futuropolis, une œuvre de Jean-Sébastien Bérubé. Il est avec nous au bout du fil. Jean-Sébastien Bérubé, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, en fait, peut-être commençons par placer l'évolution, je pense, entre votre série Radisson et Comment je ne suis pas devenu moine. Pour moi, les différences sont frappantes. J'ai l'impression, en fait, pour l'essentiel, d'avoir découvert un nouveau Jean-Sébastien Bérubé, à tout le moins sur le plan visuel, dans, justement, Comment je ne suis pas devenu moine. Oui, la différence visuelle entre Radisson et Comment je ne suis pas devenu moine s'explique parce que j'ai souffert de problèmes de tendinite chronique, puis j'ai pris une année sabbatique comme une année de convalescence là pour essayer de régler mon problème parce que j'avais énormément d'inflammation dans les muscles, entre autres au niveau de l'épaule puis du trapèze. Puis j'étais plus capable de dessiner du tout. Et donc, j'ai fait de la physiothérapie, puis un peu de tout, ergothérapie, tous ces trucs-là. Puis j'ai comme développé une autre façon de dessiner, en fait. Et dans le fond, puis j'ai l'impression peut-être un lâcher-prise aussi par rapport au dessin, parce que on y va avec un style qui est vif, qui est précis, qui est tremblant aussi, en fait, un peu entre le croquis puis le dessin, très, très, très précis, si on peut dire. Oui, exactement. Par la force des choses, il y a eu une espèce de comme de processus psychologique qui s'est fait de lâcher prise justement. Dans le fond, laisser passer des choses, là, laisser passer comme je sais pas si je peux dire défaut, là, mais laisser passer des défauts de dessin que je laissais moins passer avant, là, si on veut, là. Mais bon, c'est toujours quelque chose, c'est ce que je suis en train de dire, là, c'est toujours un processus, hein, c'est toujours quelque chose qui est en évolution. Et en même temps, justement, dans ce contexte-là, on dirait que ce style que vous avez trouvé, dans le fond, au fil de votre condition, de votre blessure, ça sert parfaitement aussi l'esprit récit de voyage que vous avez choisi d'explorer. Oui, c'est sûr que là, le dessin que j'ai utilisé pour comment je ne suis pas devenu moine se prêtait bien au sujet qui est justement récit de voyage, comme c'est qui fait un peu carnet de voyage, là. Avec des croquis et tout ça. Donc, c'est sûr que ce style de dessin-là se prêtait bien au sujet. Et justement, peut-être pour camper aussi l'esprit du récit, dans le fond, dans comment je ne suis pas devenu moine, vous nous amenez, Jean-Sébastien Bérubé, avec vous, en votre compagnie, donc vers le Népal, vers le Tibet, vers les racines du bouddhisme. Pour vous, ce qui était à l'époque, donc si on se reporte en 2005, une quête de spiritualité, là, vous alliez devenir moine, vous ne l'êtes pas devenu, c'est dans le titre, mais c'est donc l'idée de départ, c'était justement d'aller vraiment explorer les fondements de la philosophie bouddhiste. Oui, c'est ça. En fait, le bouddhisme fait commencer à faire partie de ma vie à l'âge de 12 ans. Puis le bouddhisme, comme je l'explique là dans ma bande dessinée, le bouddhisme pour moi, c'est une bouée de sauvetage, c'est quelque chose qui allait me permettre de ce que je croyais dans ma tête à cette époque-là là quand j'étais très jeune, c'est quelque chose qui allait me permettre d'être heureux puis de régler mes problèmes puis de fuir la société aussi, fuir la réalité, fuir la société. Oui, dans le fond, d'essayer de trouver sa place et on se dit, OK, on la trouve pas dans le contexte social, alors on fonce, on plonge, on va dans une extrême, en fait. Quand on est plus jeune, on dirait que les extrêmes, ça, c'est les meilleures portes de sortie, si on peut dire. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, à 12 ans, à 15 ans, 18 ans, 20 ans, j'étais en réaction envers ma famille, puis envers l'éducation que j'avais reçue, puis envers la société matérialiste de surconsommation. Donc je rejetais tout ça, puis le bouddhisme, c'était à cette époque-là, je ne jurais que par cette philosophie-là, en fait. Oui, puis quand on arrive finalement sur le terrain, c'est ce qu'on découvre, dans le fond, au fil de votre album, c'est un peu toutes les petites et les grandes désillusions, si on peut dire, et les paradoxes qu'on retrouvait entre l'idéal qu'on avait en esprit et la réalité sur le terrain, entre l'archaïsme aussi qu'on pourrait y retrouver, puis la modernité dans laquelle on percevait tout ça, donc c'est en fait tout dans des porte-à-faux, dans des contrepoids, si on peut dire. Exactement, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses paradoxales. Parce que quand on lit le bouddhisme dans les livres, comme moi je l'avais fait toute mon adolescence, je m'étais fait une image du bouddhisme avec une philosophie de vie quand on pense au côté zen, au côté du non attachement, puis de l'acceptation, de la compassion, puis de dans le fond l'acceptation de l'impermanence des choses qui existent dans la vie, tous les concepts bouddhistes de base qui étaient complètement en contradiction avec les superstitions, la magie noire, les mauvais esprits, l'archaïsme que j'ai découvert dans le bouddhisme pratiqué par les habitants du Népal en particulier, parce que c'est surtout là que j'ai resté là. Et donc, d'une certaine façon, on sent en même temps, bon, vous y alliez pour un côté initiatique, dans le fond, pour être embrassé par cette philosophie, puis aller jusqu'au bout de ce désir-là. Et finalement, c'est quand même resté, et ce qu'on découvre dans Comment je ne suis pas devenu moine, ça reste un récit initiatique, mais plus dans la confrontation, justement, aux réalités terrain, puis dans le fait d'être forcé, j'ai l'impression, à confronter ces idéaux et à revenir peut-être un peu à une certaine réalité aussi à travers ça, à trouver une façon de les raccrocher à autre chose qu'à l'idée de la religion et qu'à l'idée qu'on s'en faisait, à l'idéal qu'on s'en faisait. Oui, exactement. Pour moi, l'expérience que j'ai vécue et que je raconte dans cette bande dessinée-là, Comment je ne suis pas devenu moine, c'est j'ai appris à relativiser les choses, en fait. C'est surtout ce que ça m'a apporté comme expérience, ben, ça m'a apporté de la maturité aussi, parce que bon, je voyageais seul, puis j'ai fait plein de rencontres, et ça m'a apporté aussi à la capacité à relativiser les choses, que dans la vie, il n'y a rien de tout noir ou tout blanc. Hein? Puis c'est drôle aussi parce que Bouddha enseignait d'aller vérifier les choses et d'en faire leur propre expérience, d'en faire sa propre expérience. Puis moi, en allant là, ben ça, c'est ça que j'ai fait, en fait. Et vous en tirez, donc, une dizaine d'années plus tard, dans le fond, je parlais de 2005 tantôt, c'est après à peu près 10 ans avant que vous plongiez dans le récit en format livre. Qu'est-ce qui vous a fait attendre aussi longtemps? Est-ce que c'est la capacité, justement, d'avoir vraiment une perspective plus entière par rapport à ce que vous aviez vécu? Ben, ce qui m'a fait attendre aussi longtemps avant de faire cette BD-là, c'est Radisson. C'est parce que je dessinais Radisson à cette époque. Puis Radisson, j'ai passé 5 ans à faire ça. Puis ensuite, j'ai eu, comme je disais au début de l'entrevue, j'ai eu mon problème de tendinite. J'ai pas dessiné pendant 1 an. Donc là, on peut compter 6 ans. Puis après ça, j'ai commencé la BD. Puis la BD, ça m'a pris 3 ans à faire. Donc c'est ce qui explique le 10 ans là de. Donc l'aspect circonstanciel, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Et en même temps, est-ce que ça devient, dans le fond, un autre défi, justement, de choisir de se replonger dans ce moment-là, une dizaine d'années après le coup? Ben, ce que j'ai fait, parce que, bon, ça faisait longtemps que, ben, justement, j'étais plus du tout dans ça, là, quoique le bouddhisme, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours malgré tout. D'une autre façon, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mon carnet de voyage parce que j'avais un journal intime. En 2005, là, quand je suis allé au Népal, à Katmandou, puis au Tibet ensuite, j'avais un journal intime de voyage dans lequel j'écrivais à chaque jour, puis j'ai ressorti ça. Puis en le relisant, ben c'est comme ça que je me suis replongé dans le truc, puis que ça a réactivé mes souvenirs. Puis j'avais aussi un album de photos là, parce que j'ai dû ressortir toutes mes photos aussi là pour pouvoir dessiner les décors de façon juste. Donc c'est ça, j'ai réactivé mes souvenirs comme ça. Puis réactiver les émotions en lien avec les souvenirs aussi? Ah oui, ça c'est sûr. Ben oui, ça fait partie du processus de quand on fait ce genre de bande dessinée là. Oui, puis en même temps, en fait, vous nous amenez aussi, ben enfin, on en parle depuis tantôt là, de cet aspect justement, cette désillusion, ce moment qui était quand même un peu fondateur dans votre parcours. C'est aussi dans le fond un moment très intime, très très personnel que vous avez vécu, que vous partagez avec nous. Oui, c'est sûr que là, quand j'ai commencé à faire cette bande dessinée là, il y a plein de façons de faire une bande dessinée comme ça. Puis moi, j'avais choisi parce que, bon, j'ai été coaché beaucoup par mon ancien professeur Jean-Louis Tripp. Puis lui, il me disait, pour raconter cette histoire-là de le plus efficacement possible et pour intéresser les lecteurs et lectrices, il m'a donné comme conseil d'y aller vraiment comme de façon très honnête, transparente, de pas hésiter à justement là, de pas hésiter à dévoiler des choses de mon intimité ou de ma vie privée, parce que sinon le récit risquait d'être un peu plat, en fait. Oui, on sentirait que vous aviez une réserve on pourrait se douter de l'honnêteté d'un élément ou autre, alors que là, si on y va sans complaisance, autant envers les événements qu'envers vous-même, dans le fond, dans le récit, ben c'est sûr que nous, comme lecteurs, on trouve que l'honnêteté transparaît dans le fond de la démarche. Oui, c'est exactement ça. Et c'était ça, donc, le grand conseil que Jean-Louis Tripp m'a donné quand j'ai commencé à faire cette bande dessinée-là, c'est ce conseil-là. Et aussi, un autre conseil qu'il m'a donné, c'est de raconter mon histoire simple, c'est-à-dire, tu sais, au niveau de la scénarisation puis de la mise en scène, de vraiment y aller très très simple, pas commencer à des explications puis des mises en scène un peu abracadabrantes. Donc de rester dans l'esprit du voyage. Parce qu'effectivement, sinon, ça nous aurait fait sortir un peu du contexte, où on aurait l'impression d'assister à une mise en scène plutôt qu'à justement un carnet de voyage réel et le reste. Oui, c'est ça. Et à la limite, Jean-Sébastien Bérubé, d'aborder ces sujets-là, d'aborder ces questions donc de spiritualité, de philosophie personnelle, autant que d'aborder aussi des enjeux plus physiques, physiologiques, comme bégaiement, par exemple, que vous abordez aussi dans l'album. Est-ce que ça, il y a eu un côté thérapeutique de dire, bon, OK, j'en parle, là, c'est les cartes sur table, je m'en émancipe un peu en parlant de tout ça? C'était très thérapeutique. Parce que, puis c'est ce que je pensais que ça allait faire aussi, là, quand j'ai commencé la BD, puis j'ai décidé de parler ouvertement de mon bégaiement dans cette bande dessinée-là, parce qu'au début, je savais pas trop si j'allais parler de ça, mais comme il y a une scène avec les moines, là, par rapport au fait que je bégayerais parce que je serais possédé par un mauvais esprit, c'est ce que les moines tibétains disaient quand ils m'ont rencontré, ben... C'était très important pour moi de parler du bégaiement, justement. Pour toutes ces raisons-là. Puis aussi, le côté thérapeutique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ben, quand je passe en entrevue dans les médias, comme j'en parle ouvertement dans ma BD, ben, j'ai plus besoin de le cacher. Donc, j'ai plus de raison d'être stressé, en fait. Parce qu'avant, avant, là, quand je passais en entrevue dans les médias, quand je parlais de Radisson, j'étais tout le temps stressé parce que j'avais peur justement de bégayer, mais aujourd'hui, j'ai plus à avoir peur de ça parce qu'on en parle, en fait. Oui, effectivement, on dirait que le fait de mettre les cartes sur table, ça enlève une pression d'une certaine manière, donc surtout que c'est une expérience que chacun va avoir vécu à échelle variable avec d'autres situations, d'autres problèmes. On parle au fond d'acceptation de soi à travers ça, dans ses défauts autant que dans ses qualités. Oui, exactement. Ça aussi, c'est toujours un processus là constant, comme mon dessin, comme la façon dont je fais de la bande dessinée, l'acceptation de moi avec mes défauts puis avec mes limites, comme le bégaiement, justement, c'est ça, c'est quelque chose qui est toujours en constant processus. Et pour comment je ne suis pas devenu moine, donc vous avez fait le grand saut, si on peut dire, donc après avoir été édité chez Glénat Québec avec Radisson, donc ça, c'est un album qui est votre album le plus intime, le plus personnel, et qui se retrouve édité à plus grande échelle, dans le fond, du côté de Futuropolis en France. Donc ça a dû être extrêmement satisfaisant de pouvoir arriver avec, dans le fond, être intégré dans une collection avec autant d'auteurs monumentaux, si on peut dire. Oui, c'est une très agréable surprise, très satisfaisant, très gratifiant. Moi, quand Futuropolis m'a contacté pour me dire qu'il avait lu mon projet puis qu'il m'avait demandé si j'avais déjà signé avec quelqu'un d'autre, puis sinon, ben, qu'il était intéressé à le faire, moi, j'ai sauté de joie, là. J'ai sauté de joie parce qu'en plus, quand je faisais Comment je ne suis pas devenu moine, ben, j'achetais beaucoup de BD de chez Futuropolis, parce que là, c'est un peu dans la même ligne éditoriale. T'sais, on pense entre autres aux récits de voyage de Emmanuel Lepage, mmh. Puis les bandes dessinées d'Étienne Davodeau aussi, là, qui sont plus bandes dessinées de reportage. Tout ce style de bande dessinée-là, mais moi, je lisais beaucoup ça pendant que je faisais Comment je ne suis pas devenu moine. Donc, j'étais très inspiré par ce que faisait Futuropolis, mais à ce moment-là, je ne savais pas, moi, que j'allais être chez eux. Et en plus, ben, depuis le lancement, autant en France qu'au Québec, les critiques ont été fort positives. En fait, je pense qu'en farfouillant, je pense que je suis pas tombé sur un commentaire négatif ou presque. Donc, ça en plus, ça vous fait une belle entrée avec ce marché-là. Est-ce que vous avez l'impression que Comment je ne suis pas devenu moine vous a ouvert de nouvelles portes en bande dessinée aussi? Ben, j'imagine, en fait. Oh oui, clairement. C'est toutes des bonnes choses, hein. Je suis très très content, agréablement surpris de la, tu sais, toutes les critiques qui sont sorties justement en France, puis ici aussi là, sur Comment je ne suis pas devenu moine, les bonnes critiques. Maintenant, il reste juste à espérer que les ventes soient suffisantes pour pouvoir continuer à faire de la bande dessinée, parce que c'est toujours l'enjeu. C'est toujours l'enjeu là chez les auteurs. Est-ce qu'on va vendre assez d'exemplaires pour pouvoir faire un prochain tome là? Mais oui, mais moi, Futuropolis, puis l'expérience de Comment je ne suis pas devenu moine, moi, ça m'amène à leur proposer deux autres projets, en fait. Donc on risque de vous revoir rapidement côté publication. Nous, on croise les doigts. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, moi, je suis très content de tout ça, là. Ben, Jean-Sébastien Bérubé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, ben, ça m'a fait plaisir. À une prochaine. Oui, à la prochaine. Salut. Alors voilà, c'était Jean-Sébastien Bérubé, je rappelle, auteur de Comment je ne suis pas devenu moine du côté de chez Futuropolis, donc qu'on a eu l'occasion de recevoir. On poursuit ici à la vie en BD. Je prends quelques minutes pour vous parler d'un petit album, une lecture récente. Et je me dis, puisqu'on est un peu dans le bouddhisme, pourquoi pas rester dans cette ligne-là avec une bande dessinée que j'ai eu l'occasion de lire récemment, le sixième Dalai Lama. C'est du côté des éditions Fée. Une bande dessinée, en fait, que j'ai trouvé bien intéressante, en fait, d'un point de vue de la mise en scène, du choix du récit, de l'organisation, de l'aspect visuel, sincèrement, je savais pas trop quoi m'attendre quand je l'ai prise et finalement, j'ai été agréablement surpris au point d'avoir envie et hâte de voir la suite des choses. Alors, on se retrouve en fait en 1694 dans le sud du Tibet, donc dans la région de Tawang, et on découvre une personne qui s'appelle Lobsang Rinchen, un jeune garçon qui aime passer du temps avec ses amis, avec les animaux, donc une vie toute simple essentiellement, et lui, au fil d'une de ses pérégrinations, va aller à la rencontre de Maki Ame, qui est essentiellement la fille du seigneur local, donc qui vit dans une autre réalité que celle du paysan. Et là, dans le fond, ce qui se place, on imagine bien au départ, ben, c'est donc une histoire d'amitié entre deux êtres qui normalement n'auraient pas dû se croiser, qui normalement n'auraient pas dû devenir amis, mais qui, de par les personnalités de l'un et l'autre, deviennent amis, deviennent très proches amis, et éventuellement, bon, ça reste des jeunes êtres, donc pas encore exactement adolescent, mais plus vraiment enfant. Alors donc l'amitié très forte se transformera peu à peu en un amour chaste et pur. Et on se dit, ben ok, on connaît ce type de récit-là, bon c'est intéressant, mais tranquillement il y a d'autres dimensions qui viennent s'ajouter, qui viennent enrichir, si on peut dire, au récit. Donc ce qui fait qu'on découvre que ben essentiellement les auteurs ont placé la table, donc essayé de placer justement le contexte culturel de l'instant, de l'époque, le contexte philosophique aussi un peu, et on nous parle aussi, ben, justement, du dirigeant religieux, le Dalai Lama, et c'est là qu'on fait un peu le saut vers un angle plus politique, plus large, où on se rend compte que, ben, le Dalai Lama en poste est décédé il y a une quinzaine d'années, et, ben, on imagine bien, donc, qu'ils vont chercher la réincarnation de ce Dalai Lama-là, qu'ils vont trouver, effectivement, par hasard, en la personne de Lobsang. Et donc, dans un contexte politique où, ben, en fait, les paysans, les parents de Lobsang étaient mis de côté, si on peut dire, par le seigneur, finalement, il va y avoir un retournement qui va faire que ben, Lobsang et sa famille vont devenir supérieurs à lui et va changer aussi la relation entre les deux jeunes êtres. Et donc, on va suivre l'évolution de ces enjeux-là et de ces destins croisés. Alors, un récit quand même assez classique dans sa facture, mais qui nous amène à travers la dimension politique et sociale vers des sujets qu'on a peu l'occasion d'aborder, que ce soit en BD ou ailleurs, de manière générale. Donc, le système des castes, la société, le bouddhisme, la politique, les conflits à l'époque. Et donc, tout ça dans une mise en scène fort efficace. En fait, les dessins qui sont à la fois réalistes et poétiques, vraiment, en fait, une mise en couleur qui rend tout extrêmement vivant. En fait, des atmosphères, je veux dire, visuellement, c'est effectivement très beau, très réussi. Ça nous amène aussi dans ce qu'on pourrait percevoir comme étant l'ambiance de cette période-là. Alors donc vraiment, on fait une belle découverte faite par hasard du côté des éditions Fée. Donc ce sixième Dalai Lama, le premier tome, c'est sorti je crois en fin d'année dernière, donc je suis un peu en mode rattrapage sur ce titre. C'est la deuxième moitié de La Vie en BD qui s'amorce. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que les émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado diffusion sur laviebd.wordpress.com. Si vous voulez réécouter depuis 2012 les émissions qu'on vous propose, mais ce sera l'occasion de le faire. Si vous avez rien de spécial à faire cette fin de semaine, vous pouvez même faire un marathon. Alors, on poursuit donc avec un deuxième titre pour cette semaine dans nos entrevues. Il s'agit de La Fée Pissenlit, tome 1, La Naissance. C'est de Karine Paquin et de Bac aux éditions Michel Quintin. Et les deux auteurs sont avec nous en studio. Bonjour! Bonjour! Hey. Alors, peut-être dans le fond, Bac, évidemment, on te connaît pour ton travail en BD, donc BD autobiographique et le reste, fort prolifique. Karine Paquin, on vous connaît comme auteur de romans jeunesse assez variés, notamment des romans d'enquête qui sont fort populaires. Qu'est-ce qui a mené peut-être à la collaboration? En fait, l'idée de La Fée Pissenlit est venue de Karine Paquin, je pense, au départ. Oui, c'est venu de moi. En fait, je suis aussi professeure de théâtre, puis l'histoire à la base, c'était une pièce de théâtre, puis j'ai eu l'idée de la faire en BD, et comme je n'ai aucun talent d'illustratrice, j'ai dû trouver la meilleure personne pour le faire avec moi. Rien de moins, mon Dieu. Et donc, dans le fond, on part d'un script, d'une histoire donc qui était pensée pour une pièce en classe, et après ça, on l'amplifie, on la développe conjointement avec la dessinatrice, ou donc comment ça s'est passé un peu le développement de tout ça? Non, en fait, c'était vraiment, moi j'ai fourni le texte à Bac complet. C'est vraiment un dialogue, là. Mais c'était plus comme une pièce de théâtre. Non, c'était plus une pièce de théâtre. C'est ça, là. J'ai pas reçu un... Acte 1. Oui, c'est ça. Non, c'était quand même adapté pour de la bande dessinée. C'est ça. Donc, je l'avais déjà retravaillé parce que, à la base, c'était une pièce. Puis ensuite, je me suis dit, ah, ça, je veux le faire en BD. Je l'ai travaillé pour la BD. Puis ensuite, j'ai contacté Bac pour savoir si ça lui tentait d'être sur le projet. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on se dit, OK, ça, c'est un texte qui est bon pour la BD? Ça, c'est une bonne question. Ben en fait, quand Karine m'a contacté, bon là évidemment, on s'est rencontrés, puis on a lu le texte. Évidemment, elle m'avait un peu raconté qu'est-ce que c'était en général. Puis c'est vraiment en lisant les dialogues tout ça que tout de suite je l'imaginais là. Tout de suite, je voyais ça en bande dessinée, puis tout de suite, je m'étais mis à esquisser parce que ça, je sais pas, ça m'a vraiment inspiré. Puis c'est ça, mais oui, pourquoi t'as décidé de faire ça en BD, ça? des fois, c'est l'instinct. On se dit, mais ça me fait stress. C'est vraiment ça. Mmh. Puis c'était une BD avec beaucoup de noms. Ben, pas une BD, mais une histoire dans laquelle il y avait beaucoup de non-dits. Parce que, veux pas, le théâtre, c'est quelque chose de très visuel. Donc, pour moi, c'était comme un peu naturel d'aller chercher la BD parce qu'on retrouvait ce côté visuel-là du théâtre. Donc, ça allait comme de pair ensemble. Puis, j'ai approché Bac pour qu'elle me donne son avis aussi parce que, tu sais, j'ai dit, quand je lui ai présenté le projet, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça pourrait bien sortir en BD? Puis c'est elle qui a dit, Allons-y, voilà. Et pour contextualiser, en fait, dans La Fée Pissenlit, le premier tome, vous nous racontez l'histoire, donc une histoire de fée, dont la charge, en fait, ces fées-là, est déterminée par les fleurs dans lesquelles ils naissent. Donc, chacun a son rôle. Et jusqu'au jour où il y a une fée qui naît d'un pissenlit, mais c'est pas censé arriver. Donc, essentiellement, elle a pas de rôle destiné au départ. Exact, c'est ça. En fait, les pissenlits sont des mauvaises herbes. Donc, impossible là, que ça se peut pas une fée qui naît d'un mauvaise herbe. Puis, c'est ça, chaque type de fleurs donne une fée en particulier. Donc, par exemple, les marguerites donnent des fées des dents. Mais là, c'est ça, elle arrive ce matin-là dans un pissenlit. Ça confond toutes les fées, les gardiennes des fées sont un peu inquiètes pour la réputation des fées et pour cette petite fée-là aussi qui a aucun travail, ils savent pas quoi lui faire faire. Donc, il décide de lui conter un petit mensonge pour lui dire qu'elle est une fée marguerite. C'est là que part toute l'aventure avec une fée pissenlit qui tente d'être quelqu'un qu'elle n'est pas vraiment. Évidemment, toute la question de la pression sociale, l'idée de vouloir être quelqu'un pour plaire aux autres et t'oublier un peu soi-même finalement. Totalement. Ben, je pense que c'est un sujet que Bac et moi on a discuté, puis c'était quelque chose qui t'a accroché aussi. Oui, dans... Oui. Ben, tu sais, je fais beaucoup de bandes dessinées sur ma page Facebook à propos de s'accepter, la diversité corporelle, des choses comme ça. Puis justement, ça m'interpellait un peu la morale de tout ça, de ben écoute, t'es un pissenlit, puis tant mieux là. Oui, c'est ça. T'es différente, puis tu vas apporter quelque chose de différent à ce monde-là, mais quoi que la BD finit, puis elle sait pas encore que t'as pu s'en lit, là, mais bon. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est que là, elle se met, à un moment donné, à focusser sur ce qu'elle n'est pas capable de faire, plutôt que de prendre le temps de se dire, mais qu'est-ce que je suis capable de faire? Mm-hmm. Donc, tu sais, plus la série va avancer, plus on s'en va là-dedans. Là. Ça, on se rend compte qu'elle a, tu sais, justement, dans là, c'est le premier tome, puis, tu sais, elle a des pouvoirs assez... Personne sait qui sert à rien pour le moment. Ça, ouais, c'est ça. Comment ça qu'elle a ça comme comme talent. Mais pourtant c'est super cool, mais c'est ça, personne sait quoi faire avec, fait que ses cheveux allument dans le noir, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, on le sait pas, mais on va savoir plus tard parce que moi j'ai une idée, mais comme oui, on sait le punch. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant justement comme manière de bâtir l'univers, parce que dans le fond c'est un univers qui est plein de règles, c'est celui des fées que vous nous proposez, mais plutôt que de justement nous arriver avec 100 règles au départ, après ça OK, on se dépêche là-dedans, tout ce qu'elle sait faire finalement, ils savent pas trop quoi faire, donc ça crée des réactions face aux règles, et c'est comme ça dans le fond qu'on crée des situations qui sont quand même plus dynamiques, somme toute. Mm-hmm. Oui, totalement. Puis tu sais, c'est un monde qui c'est comme une toile d'araignée d'idées, le monde des fées, là, tu sais, de où qu'elles viennent, c'est qui leur reine, tu sais. Bon, et tout ça, on voyage à travers la BD, puis je veux pas, ça s'adresse à un public d'enfants. Donc, tu sais, je vais pas faire un long monologue au début qui explique tout ça. On le découvre au fur et à mesure, puis c'est très facile. Je pense que ça coule bien. L'enfant a besoin d'être dans l'action, donc il retrouve une BD qui est dans l'action aussi. Voilà. Puis avec un rythme aussi, quand même, à saveur un peu une planche, un gag. Donc encore là, ça reste très, très rythmé également. Oui, je trouve que c'est une belle lecture de chevet le soir, là, tu sais, de lire, ma première bande dessinée. Je sais pas, mais les parents lisent une planche par soir, puis en tout cas, moi, je voyais ça de même, là. Et moi, j'ai réfléchi beaucoup dans un contexte scolaire parce que je suis enseignante. Tu sais, c'est mon petit chapeau de pédagogue est toujours dans ma poche. Donc, l'idée, c'était de faire une BD premier lecteur. Donc, là, je voulais faire une page, un gag, c'est plus facile à lire. C'est plus facile à lire à l'école aussi quand l'enseignant dit on ferme. Ça prend 2 secondes de finir, puis, tu sais, on met notre signet. Donc, tu sais, on l'a réfléchi aussi au niveau de la calligraphie. Oui, tout en minuscule. Oui, tout en minuscule, justement pour que les enfants puissent facilement déchiffrer ce qui est écrit, parce que des grossettes majuscules, moi, je trouve ça compliqué. Et puis j'imagine, en classe, c'est pas nécessairement ce qu'on apprend au départ. On travaille plus les minuscules, donc. Donc, c'était en première année, deuxième année. Si on t'écrit tout en majuscules, c'est très compliqué à lire. Tandis que là, on est dans une BD facile à lire. Puis là, l'enfant peut tout de suite entrer dans l'univers, le fantastique. Oui, puis c'est très coloré aussi. Je veux dire, en termes d'univers, là, c'est pas blanc et noir. Ça éclate de couleurs. Tous les personnages sont un peu définis aussi par leurs couleurs. Mm-hmm. Donc, on joue un peu avec ça. J'imagine que ça a été plaisant à colorer au terme du dessin. J'avoue avoir triché un peu. J'ai des formidables coloristes avec moi parce que je me considère pas une super bonne coloriste. Puis j'avais vraiment envie que ça soit très beau. Je sais pas, j'avais vraiment, tu sais, je voyais ça très coloré justement. Puis c'est ça. Donc j'ai une équipe avec moi qui m'a une équipe comme si on était 50 là. J'en ai dans, deux. Dans l'atelier. Plein de petits lutins. C'est pour ça que je travaille tant. En fait, je travaille pas. J'ai une équipe. Non, c'est pas vrai. Donc bref, j'ai 2 personnes avec moi. Puis c'est ça justement, comme je dis, je tenais vraiment à ce que ça soit éclatant, que on voit les différents univers aussi. Tu sais, on est vraiment dans le royaume des fées au début où ils sont gentils, puis on est dans les méchantes. Puis tu sais, à vraiment qu'on fasse la séparation, tu sais, par la couleur, donc Donc, ça fait ressortir, dans le fond, puis évidemment, avec le trait qui vient appuyer tout ça, ça a dû être, en fait, en construction d'univers, donc bâtir les règles du côté de Karine Paquin, bâtir le contexte, en même temps, le look des filles, comment on les rend humaines, mais pas exactement humaines, comment on les rend insectes, mais pas exactement insectes. C'est ça, tu sais, je tenais, comme je disais tout à l'heure, tu sais, la diversité corporelle, tout, puis, tu sais, je tenais à ce que... Tu sais, qu'on n'ait pas, tu sais, ils ont pas de la couleur peau, parce que je tenais pas, tu sais, je voulais pas que ça soit justement, que ça reste, justement pas associé nécessairement au monde des humains en premier, mais aussi que tout le monde peut se reconnaître là-dedans, tu sais, c'est pas ciblé directement à un type de personnalité, puis, tu sais, les robes des filles, c'est inspiré des, tu sais, de la recherche de fleurs. Chaque fille, oui, c'est ça, en fait, chaque fille est inspirée de la fleur, qu'elle vient. Donc, là, moi, je suis rendue une botaniste, je vous l'annonce. J'ai vraiment beaucoup observé les fleurs. J'en ai envoyé des photos à Bac pour que, tu sais, on puisse... Tu sais, c'est ça, les pétales, on s'inspire pour la jupette, puis la couleur et tout. Puis chaque fée, en fait, qui vient d'une fleur en particulier, elle se ressemble. C'est comme un peu des sœurs jumelles. Donc là, faut aller chercher des petits détails qui font qu'on reconnaît les personnalités par les cheveux ou la façon que... Mais c'est ça, donc ces fées-là se ressemblent beaucoup. Puis c'est une des péripéties qui se passe aussi dans la BD, là, la fée... qui pense être une marguerite, lorsqu'elle rencontre les marguerites, se rend compte qu'elle elle ne ressemble absolument pas. Donc, c'est un peu ça, puis ça nous mène à faire plein de choses cocasses aussi avec ces filles-là. Oui, puis jusqu'à la crise d'adolescence, un peu exprimée par les filles noires qui sont mises de côté. Donc, on joue un peu avec cette dynamique-là aussi. Oui. Donc, dans le fond, c'est genre de... On a l'impression que ça s'est vraiment fait un peu à quatre mains, dans le fond, la construction d'univers, à travers tout oui, ça. Oui, quand même. Puis même le texte, un peu, parce que Karine m'a envoyé le texte, puis j'avais quand même un peu de liberté Pour le mettre, même totalement. En fait, c'est moi qui l'ai écrit. Non, bref, j'avais le texte, puis en fait, le découpage n'était pas fait. C'est vraiment moi qui me suis occupée du découpage. Puis il y a quelques dialogues que j'ai ajustés, quelques-uns que j'ai retirés ou que j'ai mis plutôt dans le dessin. Donc, ouais, même le texte, ça a été un travail vraiment ça à quatre mains. Oui, voilà. Vraiment. Ben, tu sais, moi, comme je dis à Bac, c'est toi la pro de la BD. Là, c'est moi, je suis la pro pour inventer une histoire. Là. Puis là, ben ensuite, on travaille ensemble, puis on la rend la meilleure possible pour la bande dessinée, parce qu'il y a quelque chose de différent dans la bande dessinée, comme je disais tantôt. Il y a du non-dit, il y a des choses qu'on voit en dessin. Donc, moi, des fois, je le dis dans le texte, mais elle a fait « Ah, ben non, ça, on va le dessiner. » Donc, voilà. Fait que ça, c'est vraiment son côté à elle. Puis c'est grâce à ce talent-là qu'on fait une très bonne équipe, je pense. Hein, on fait une bonne équipe. Oui, je pense qu'on fait une bonne équipe. Ça a l'air d'avoir fonctionné, là, en tout cas. Puis en fait, on se permet aussi quand même des moments de texte, donc un peu comme les actes où on arrive, on présente les personnages, on présente quelques éléments. On se force pas justement à les mettre dans une dynamique de dialogue où on serait omnubilé par des immenses bulles. Donc, c'est séparé, on veut prendre le temps de la lire, puis après ça, oups, on tombe dans le dialogue plus dynamique. C'est ça. Oui, que ça fait un peu féerique, là. Ouais. On explique, par exemple, qui sont les fées noires. Ben, on les explique vraiment, là, en aparté. C'est une shot, t'sais. Ouais, c'est ça. On vous le dit, après ça, posez plus de questions. Non, mais tu sais, on a mis une page où il y a plein de feuillages puis de trucs. Fait que ça on voit un peu l'univers, ouais, avec ça. Ouais, ça fait un peu grimoire, moi, je. Ouais. Ouais, un peu conte de fées, moi, je trouvais. En fait, ouais, c'est ça. Ouais, un genre de justement. Mix, ouais. Je pense que c'est lié, les fées. Je pense qu'il y a un lien. Et donc, ça veut dire, en fait, on le disait, c'est le premier tome, donc c'est la naissance, on établit le monde, le contexte. Est-ce qu'on sait, on s'en va sur un 4, sur un 6, ou on s'en va un peu au hasard, puis on voit, à un moment donné, ça va finir, ou? Ben, en principe, à la base, c'est trois tomes. Trois tomes. C'est ça, à la base. On avec verra, une possibilité de poursuivre. Oui, c'est ça, là. On ferme pas la porte, là. On verra. Mais à la fin du troisième tome, c'est ça. Elle va savoir. C'est sûr qu'on va avoir le punch rendu là. Oui, c'est ça. Sûr que, bon, on va comprendre. On va pas passer 10 albums à essayer de pas viser. Aller, finalement, là. Tu sais, non. Ça, on sera pas comme dans Rémi qui cherche sa mère pendant 50 épisodes, là. Non, on va éviter ça. Donc, c'est ça. On verra en temps et lieu. Oui, voilà. Et est-ce que ça va être un rythme soutenu de sortie, une par année, une par 6 mois? Ben, en tout cas. Ben, moi, me mettre en contexte. Ça dépend de Bac. Ouais, c'est ça. En mise en contexte, moi, j'ai comme un jeune enfant. Fait que mon rythme de production est plus lent que je l'avais avant. Donc, c'est ça. Ben, normalement, ça devrait sortir prochain en 2018, c'est sûr. Ouais. Alors, ce sera à suivre. On aura assurément l'occasion de se reparler d'ici là. Ben, donc, le premier tome qui est disponible et qui est même plein de brillants. Donc, oui! C'est quand même. On a fait la même réaction. C'est ça. Alors, à découvrir, Karine Paquin, Bac, merci à vous deux. Merci. Et je rappelle, Karine Paquin, qui est scénariste de cet album, Bac, qui est dessinatrice, donc, sur la fée Pissenlit. Premier tome, La naissance, qui est disponible du côté des éditions Michel Quintin. Dans la dernière ligne droite de La vie en BD, une dernière ligne droite qu'on partage toujours avec plaisir avec l'un de nos collaborateurs récurrents, l'animateur des rendez-vous de la BD à la Bibliothèque Gabriel Leroy, Michel Giguère, qui est avec nous. Bonjour. Salut Raymond Poirier. Et Michel, en fait, rencontre de novembre qui est à nos portes là, le 15 novembre prochain à la Bibliothèque Gabriel Leroy. Il y aura donc une nouvelle rencontre des rendez-vous de la BD. Et en plein mois de novembre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment d'année plus propice, un peu après l'Halloween, pendant que ça commence à s'assombrir, qu'on n'est pas habitué à la sombre température, ben, de tomber dans les récits fantastiques, dans les histoires d'horreur. Deux genres qui se chevauchent d'ailleurs. Hein. On dit généralement que l'horreur est un sous-genre du fantastique, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des récits d'horreur dans lesquels il n'y a pas de dimension surnaturelle. Par exemple, les histoires de psychopathes qui enlèvent puis qui torturent du monde, il n'y a rien de surnaturel. Et par contre, il ne sera pas question de ça mercredi prochain. Mais novembre, pour finir, c'est aussi le mois des morts. Et justement, si on est dans les distinctions, Michel, il faut pas confondre non plus fantastique et heroic fantasy. Non, t'as raison. L'heroic fantasy, c'est une déclinaison à la sauce médiévale d'un autre genre, le merveilleux. Le merveilleux présente des univers imaginaires où le surnaturel est naturel. Il est admis, connu. La magie, les dragons, tout ça, c'est comme normal. Le fantastique, lui, à contrario, se campe dans notre réalité. Une réalité dans laquelle va surgir le surnaturel, ce qui va plonger les personnages dans la stupéfaction ou le scepticisme ou l'épouvante ou la folie. C'est assez sombre quand on y pense, le fantastique, là, à l'image du mois de novembre, comme tu dis. Et si on remonte un peu dans les origines du fantastique, où on pourrait dire qu'il prend sa source? Dans la peur. La peur de l'inconnu, donc de l'inexplicable. La peur de la mort, puis de ceux qui en reviennent pour nous hanter. D'où les innombrables histoires de fantômes et de morts vivants. La peur du noir que l'humain entretient depuis l'âge des cavernes, parce que son sens le plus développé est ni l'ouïe ni l'odorat, mais la vue, et puis que dans l'obscurité, il est privé même de sa vue, ce qui le rend excessivement vulnérable. La peur du loup a engendré le mythe du loup-garou dans plein de cultures différentes à travers le monde. Idem pour les histoires de vampires, qui sont en passant très antérieures au Dracula de Bram Stoker. Évidemment, la dimension religieuse a été importante. Une multitude de légendes orales puis de récits littéraires ont exploité la peur du diable. Et l'une des plus célèbres va lancer ma soirée de mercredi, c'est Faust, qui vend son âme à Méphistophélès, et Méphisto, ben, c'est l'une des incarnations du démon. Bref, le genre fantastique prend sa source dans la peur, et son succès tient à ce qu'on adore se faire des peurs. Et est-ce qu'il y a eu des âges d'or, ou un âge d'or du fantastique? Ben écoute, je suis pas historien ni professeur de littérature, mais à la fin du 19e siècle, alors que la science fait des avancées considérables, puis que l'industrialisation bat son plein, eh bien, l'occultisme et le spiritisme sont devenus très en vogue, un peu sous l'effet d'un contre-coup, on peut penser. Et puis, cet intérêt ravivé, ça s'est transposé dans plusieurs chefs-d'œuvre littéraires, comme le portrait de Gogol, le Orla de Maupassant, le tour d'écrou d'Henry James, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Autant de récits où la dimension fantastique peut sembler, aux yeux d'un lecteur du 21e siècle, un peu mince, un peu ténue, en comparaison des œuvres plus récentes, qui sont, je trouve, le résultat d'une espèce d'inflation, d'escalade un peu gratuite des fois, là. Mais moi, j'ai un faible pour, disons, pour les spectres subtils puis les ectoplasmes qui se gardent une petite gêne. Et j'ai l'impression, en fait, écoutez, Michel Giguère, que il y a peut-être un peu plus question pour l'instant de littérature que de BD dans notre discussion. Alors, j'aimerais peut-être plus vers la BD, justement. Pourquoi on choisit de présenter des thématiques autour d'œuvres littéraires transposées en BD? Parce que je me rappelle, par le passé, tu as parlé de polars adaptés en BD, de contes, de romans merveilleux adaptés en BD. Aujourd'hui, on tombe dans les romans fantastiques. Dans un contexte où on sait que le fantastique a aussi sa place en BD à travers des scénarios, des histoires originales. Ah oui, absolument. En fait, il y a plusieurs motivations à ce que je privilégie les transpositions. La première, ça peut sembler un peu bête, mais c'est que la production de BD est tellement abondante que je m'efforce toujours de circonscrire les thèmes, hein. Et puis, écarter les scénarios originaux pour conserver les adaptations, c'est vraiment arbitraire, mais pour moi, c'est une contrainte, une restriction qui est salutaire dans ma préparation. Il y a une autre manière de détourner le problème du trop grand nombre de titres, parce que peu importe le thème qu'on retient, il y a toujours trop de titres, ce serait de présenter rien que des BD majeurs, les BD qui ont marqué. Mais ce faisant, moi, en tant que médiateur, je serais juste un passeur, pas un explorateur, pas un découvreur. Je présenterais tout le temps les titres les plus connus, les plus encensés. Alors que mon expérience m'a démontré qu'avec ma manière, disons, qui est de rien écarter a priori, même si le BDiste était connu ou son style n'est pas très attrayant, avec ma manière, j'ai chaque fois des révélations inattendues, étonnantes, qui confondent le sceptique en moi. Et puis qui me permettent aussi d'offrir à l'auditoire, ben, en plus des gros noms, des trésors cachés, des perles qui autrement seraient passées complètement inaperçues. Alors non, ça ne me tente pas de me limiter aux titres puis aux auteurs qui sont les plus consensuels. Tu as raison, puis en même temps, c'est justement le plaisir d'être accompagné des fois quand on explore comme ça, de se faire orienter vers certains titres, vers certains éléments, puis de sortir aussi de notre zone de confort comme lecteur. Ben moi, j'apprends à chaque fois que j'ai un thème que je me prépare, j'apprends aussi moi-même. Et donc, par extension, mais l'audience apprend aussi. Donc, autant, dans le fond, les rencontres peuvent s'adresser à des gens qui connaissent bien le sujet, autant à ceux qui veulent le découvrir. Mais je m'égare un peu, Michel, tu parlais qu'il y avait d'autres motivations aussi. Ouais, ben, il y a aussi le fait que quand j'aborde les gens sous l'angle de la transposition, ça me permet de mettre en parallèle deux versions d'un même récit sur deux supports distincts. Soit dit entre nous, les transpositions, c'est pas toujours transcendant, là. Elles sont souvent très réussies, mais même quand elles sont décevantes, elles demeurent intéressantes à comparer avec l'œuvre originale. C'est-à-dire que l'exercice même de transposer, ça reste intéressant. Ça permet, dans le cadre des rendez-vous, de réfléchir à voix haute ensemble, le médiateur et les lecteurs, moi puis les gens dans la salle, de réfléchir au langage de chacun des médiums, à leurs particularités, à leurs similitudes. Par exemple, en BD, il faut aller à l'essentiel. Et puis, le raccourci, ben, ça peut s'avérer déplorable. Des fois, on peut voir ça de façon péjorative. Mais un raccourci, ça peut aussi être opéré comme un art. L'art de densifier sans alourdir, l'art d'élaguer sans dénaturer. Donc, l'étude comparative des disciplines narratives, moi, ça me passionne. Et puis, d'ailleurs, souvent, je vais faire allusion au cinéma quand je fais mes présentations. Et puis, il y aurait peut-être une autre motivation aussi à mettre en valeur les adaptations, c'est que mon intérêt pour la BD, il n'est pas exclusif. Il n'interdit pas ma passion, par exemple, pour le cinéma et le roman. Bien au contraire, tout ça, ça se nourrit les uns les autres. Et je prends le pari que c'est un peu pareil pour les gens dans l'assistance. Moi, je suis pas un geek, je suis pas une bébite qui lit juste des BD. Et je me dis que si tout le monde était comme ça, le maniaque ou même monomaniaque, ben le 9e art, il se retrouverait ghettoisé. Alors, tu sais, chaque mois, je consacre un temps fou à la préparation des rendez-vous. Et puis, mes périodes de lecture sont intégralement consacrées aux BD qui sont en lien avec les thèmes. Alors, par chance, durant mes marches pour aller au boulot, j'écoute des romans et des essais sous forme de livres audio. Ça me permet d'aller respirer ailleurs, dans d'autres formes de narration. Fait que oui, il faut se nourrir ailleurs. D'ailleurs, tiens, en passant, cette semaine, je suis carrément en train d'écouter, de me faire lire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et on parlait de multiples adaptations. Dans ce cas-ci aussi, il existe plusieurs adaptations différentes de cette histoire-là. On peut penser aux Matozzi et Kramski. Oui. D'ailleurs, cette adaptation-là, c'est une des plus originales, déstabilisantes de toutes celles que j'ai lues. Peut-être avec celle qu'Alberto Breccia a faite d'Edgar Allan Poe puis Lovecraft, là. Alors oui, il y a un certain nombre de classiques qui ont été adaptés plus d'une fois, puis ça permet de comparer encore une fois les différentes versions. C'est, moi, je trouve ça super. En BD, le champ stylistique, j'allais dire le spectre stylistique, c'est tellement vaste. Il y a évidemment soit une BD en couleur versus des BD en noir et blanc, mais il y a aussi toute l'infinité de degrés de réalisme qui vont de la caricature outrancière jusqu'à l'hyper-réalisme. Pour donner un exemple, tu parlais du Jekyll de Matozzi. Ben, alors qu'on s'attend pour cette histoire-là à des planches très sombres, pleines d'obscurité et de brouillard, et Matozzi nous balance des couleurs pétantes, des planches luxuriantes, et pourtant, c'est vraiment sacrément malsain. Et en terminant, Michel, est-ce qu'en tant que médium, la bande dessinée entretient un rapport particulier avec le fantastique? Est-ce qu'il se produit quelque chose qu'on retrouve pas dans les BD policières, science-fiction, dans les romans fantastiques ou dans le cinéma fantastique même? Oui. Et ce rapport-là entre le médium BD et le genre fantastique, à mon sens, repose sur un pivot. Ça s'articule autour d'un pivot, à savoir le moment du récit où le dit récit peut être qualifié de fantastique, c'est-à-dire le moment qui le définit comme genre, le moment où le surnaturel surgit dans le réel, où le personnage bascule dans l'inexpliqué. Plus ce qui précède ce moment clé-là est réaliste, plus le contexte initial est vraisemblable, eh bien, plus grand va être le choc. Un bon exemple notoire, qui date pas mal, mais qu'une autre génération plus jeune que moi, bien même que toi, a pu voir au cinéma quand le film est ressorti en salle dans sa version remasterisée, c'est L'Exorciste. Avant la moindre manifestation démoniaque, il y a une très longue mise en situation au début du film qui installe une ambiance de réalisme et qui va conférer d'autant plus d'impact au surgissement du surnaturel. Or, en BD, c'est spécial parce que la représentation du récit est sous forme de dessin. Et le dessin, même le plus réaliste, ça demeure un dessin. forcément, ça installe une distance entre l'électeur et l'action. Ce que je veux dire, c'est que le lecteur va possiblement moins s'identifier au protagoniste, moins ressentir la cassure entre le normal et l'aberrant que dans un film avec des acteurs en chair et en os puis des effets spéciaux confondants de réalisme. Alors, imagine le défi pour un bédéiste devant sa page blanche, quand vient le temps de raconter, de mettre en scène le fameux moment charnière, là, comment, avec un crayon puis des bonhommes, recréer le réel. Et puis ensuite, comment recréer l'abîme qui s'ouvre entre l'ordinaire et l'impossible. Comment produire une émotion vive chez le futur lecteur qui va lire notre BD. Alors, comment traiter graphiquement aussi le fameux basculement, le surgissement qui va être brutal ou alors l'espèce d'intrusion subtile du fantastique, là. Eh bien, vous allez voir, je pense, mercredi soir prochain sur écran qu'il y en a certains BDistes qui relèvent brillamment le défi. Alors, l'invitation est lancée mercredi 15 novembre, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy, donc le fantastique en BD à travers les adaptations. Michel Giguère, à mercredi? Oui, certainement. Venez vous faire peur. Yes. À bientôt. Bye-bye. Salut. Alors voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Mesdames, entre autres, avec nous pour nous jaser de Kid Paddle et plus. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1.